La seule que je connais, c'est Radio Libertaire. Et ils passent pas à la télé. On se demande pourquoi. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Et ça va aller encore plus loin dans le vice. C'est-à-dire que, en termes de médias, on peut aussi parler de transmission de savoir sans contact médiatique. C'est-à-dire d'individu à individu. Et là, on va repointer un fait important. On va parler de l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, moi j'ai des amis à moi, ils sont au lycée. Des fois, ils me disent ouais, hier on a fait on avait une cour de permanence. Il y a un prof qui est venu qui nous a fait venez, on fait, comment ils appellent ça déjà? Un point de la semaine, je crois qu'ils appellent ça. Où ils parlent des événements médiatiques. Mais rien que ça, en fait, c'est une démarche. Elle peut paraître anodine. N'importe qui s'y connaît pas sur le problème ou sur ce débat va dire ah, mais c'est bien, ils intéressent les jeunes à l'histoire un peu de ce qui se passe dans le monde. Non. Ça c'est le premier pas en fait vers la désinformation médiatique et culturelle. C'est-à-dire que ils vont arriver, ils vont dire voilà, il y a ça, ça, ça, ils vont parler de ça, comme si c'était le seul problème qu'il y avait. Et j'ai parlé avec des amis à moi qui sont dans ce même lycée, qui participent des fois à ces assemblées, et j'ai demandé une fois, est-ce que à un moment donné dans votre assemblée il y a une petite parenthèse où les gens lèvent la main et peuvent parler de ce que eux ils ont vu, mais pas sur les médias on va dire connus. Elle m'a dit non, bah non, on parle juste des médias qui passent à la télé, enfin les informations quoi. Les informations. Mais je mets une question. Quelle information? À qui elle est cette information? Est-ce qu'elle est véridique? Est-ce qu'elle est appuyée? Est-ce qu'elle n'est pas un peu diffamatoire dans certains cas? Et quand vous posez ça à un lycéen qui a l'habitude de faire des points de la semaine toutes les semaines avec un professeur qui lui fait parler que de ce qui se passe à la télé, le gars il vous regarde, il est perdu, hein, il comprend même pas en quelle langue vous lui parlez. Là, il y a un problème, parce que c'est ce fonctionnement, on va dire, qui force la jeunesse d'aujourd'hui à de moins en moins comprendre ce qui se passe. Et pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que ce média ait la place que ça a eu, par exemple, en 68, où à un moment donné, les médias ils se sont mangés une pression, des syndicalistes et tout ça, de ces gens qui sont révoltés, de ces travailleurs acharnés. Ils se sont mangés une pression, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toute cette manipulation qu'il y a, il y en avait déjà pas mal, mais elle était beaucoup plus flagrante et beaucoup moins vicieuse. Et c'est à ce moment-là où il y a eu ce travail fait de ces manifestants, de ces gens qui voulaient leur liberté, qui ne voulaient pas de médias liberticides ou informaticides. Et c'est là où, au jour d'aujourd'hui, on a perdu cette pierre. C'est que cette pierre que les gens en 68 ont mis n'a pas été entretenue par la nouvelle jeunesse révolutionnaire. Et ça, c'est un gros bémol, parce que moi, je parle avec des gens, par exemple, à la bibliothèque, il y a une bibliothèque très connue qui s'appelle Bibliopozi, et c'est une nouvelle bibliothèque qui a ouvert il y a 2 ans, qui fait partie, excusez-moi de le dire, des locaux de la Fédération anarchiste, mais là-bas, vous pouvez retrouver des journaux qui datent de bien avant 68. Et vous voyez quoi, dans les journaux avant 68, c'est pas des politiciens qui viennent parler, hein. Non, c'est des représentants, c'est des travailleurs. Et les mecs, ils étaient là du matin au soir. Eux, ils faisaient nuit debout, journée debout, semaine debout, mois debout. Il n'y avait pas de problème. Et ils étaient là, les mecs. Ils allaient, ils mettaient des pressions monumentales. Ils venaient, ils étaient des équipes de 500, 600 devant les sièges médiatiques de ces 10 journaux en disant « Nous, on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, on te boycotte. Soit tu laisses quelqu'un de chez nous rentrer, il va expliquer la vérité, soit nous, on te boycotte. » Alors, je dis pas de le faire dans la violence, hein, mais ils l'ont fait sans violence. Ils ont fait ça par le poids de la force du nombre, c'est-à-dire l'union. La collaboration. Ils sont venus à 600. Quand tu as 600 personnes devant ton journal qui te dit « Tu laisses rentrer un représentant qui va dire la vérité », le journal, il va laisser rentrer quelqu'un. Voilà. Et ça, c'est un travail qui a été fait, mais qui n'est plus fait. Et c'est, je pense, de là aussi que vient un peu la perversion des médias actuels. Voilà. Merci à toi. Tu veux rebondir ? ياسر يا ياسر يا نحبك ياسر نحبك ياسر comme je suis anarchiste aussi, je suis sûr que les la neutralité c'est anarchiste. Mais quand même, j'ai un petit doute. Je crois que la neutralité, ça n'existe pas. À partir du moment où on dit quelque chose, on le dit de son point de vue à soi. Mais par contre, on peut apprendre à être responsable de ce qu'on dit. Ce serait déjà pas mal. Et juste pour reprendre ce que tu disais, il y a dans les écoles, un autre truc qu'on pourrait faire, c'est Enfin, l'idéal, ce serait de fermer les écoles. Bon, mais ça, c'est un autre problème. C'est de, dans une école, disons, qui fonctionne, de faire une, la moitié du temps un enseignement et l'autre moitié où les enfants parlent entre eux de ce qu'ils ont vécu dans la journée. C'est-à-dire pas de ce qu'ils ont appris, du professeur, tout ça, mais dire ah, ça m'a plu, moi ça me fait chier, je me suis emmerdé, ou moi je suis pas d'accord. Mais le temps qu'il faut simplement pour parler, apprendre à parler, à s'exprimer de ses idées, de ses émotions, de son ressenti, et en groupe, hein, et de manière à ce que le jour suivant, la classe n'est plus la même. Et le prof, il peut assister, mais sans rien dire, et il comprend qui il a devant lui. Que c'est pas des robots, c'est des enfants, des gens qui sont au moins aussi intelligents que lui, potentiellement. Et donc, il peut, ça n'a pas de sens de les brimer ou d'instaurer une compétition, dire toi t'es le meilleur, toi tu vaux rien, tu sais rien. Simplement, chacun s'exprime, chacun apprend ce qu'il a envie d'apprendre. Et il y a des écoles où ça s'est fait, mais bon, ça, évidemment, ça n'a pas duré. Et justement, dans les médias, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la censure. Mais aujourd'hui, c'est de l'autocensure. C'est plus dans le temps, il y avait vraiment le ministre de l'Intérieur qui avait le droit d'empêcher les nouvelles de passer. Maintenant, c'est carrément les journalistes qui s'autocensurent eux-mêmes parce qu'ils savent que s'ils disent des choses qu'il ne faut pas dire, ben, ils vont être virés. Et une dernière chose, c'est l'histoire de Charlie Hebdo. Disons, à qui profite le crime de Charlie Hebdo ? C'est à tous les politiciens, d'abord. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Et c'est aussi un avertissement pour tous les autres journalistes. Hein, parce qu'en effet, maintenant, il y a toujours Charlie Hebdo. Mais il n'y a plus du tout les mêmes choses dedans. Et tout le monde est convaincu qu'il faut faire attention à ne pas parler trop fort. Où on est dans un parti politique, moi je suis français, vive la France, on est européen, etc. On peut dire tout ce qu'on veut, mais si on veut dire quelque chose d'original, de différent, au hasard comme moi par exemple, quelqu'un qui serait intelligent, il pourrait parler de complètement autre chose, et sans aucune censure. Et surtout sans prendre de risques. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui. Même de faire une assemblée comme Éducation Populaire, c'est risqué. Il y aura toujours quelqu'un qui va essayer de manipuler, il y aura toujours quelqu'un. Enfin, comme dans les manifestations, il y a 100 000 personnes qui vont manifester calmement, il y en a 5 qui vont foutre le bordel, et tout le monde va parler du bordel. Tous les journaux, les télés, les radios, etc., vont faire voir la violence contre les policiers, etc., alors qu'on sait très bien, enfin ceux qui veulent savoir, que les premiers qui font la violence, c'est les policiers eux-mêmes. Il y a des policiers en civil qui viennent foutre le bordel pour que ceux en uniforme viennent taper sur les manifestants. Et tout ça fait partie du monde d'aujourd'hui. Et ce qui est important de se passer des médias, c'est pour apprendre aussi à parler entre nous, c'est-à-dire les citoyens, les gens normaux, parce qu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus de lieu, il n'y a plus d'espace pour discuter vraiment de quelque chose qui nous tient à cœur. Et ça, ce serait vraiment important. Merci. Donc, je rappelle aux gens, on est sur EducPop, quelle société veut-on ? Aujourd'hui, on fait le thème sur les médias et l'information. Donc, qui veut prendre la parole ? Et vous inquiétez pas, on ne mange pas, vous pouvez parler comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, qui veut prendre la parole sur les médias et l'information ? Ah. Bah, attends. Sinon, je te passe après. Bonjour à tous. Et voilà, c'est ça. C'était un peu pour ça que j'entends parler de médias. Donc, étant donné que je suis moi-même un peu reporter debout, je viens en dire quelques mots. Qu'est-ce que j'ai à dire sur les médias ? J'ai envie de dire qu'il faut absolument développer un maximum de réseaux et de médias alternatifs qui vont nous montrer la vraie information, ce qui se passe vraiment, plutôt que d'avoir uniquement on va dire des bribes d'informations dirigées par les mainstream et compagnie. Donc c'est en ça où justement je continue dans cette voie. Pour ceux qui me regardent ou ceux qui me connaissent, tant mieux. Et puis faites passer le mot à tout le monde, à tous vos collègues, vos camarades, vos enfants, vos grands-parents. Voilà, faites le tour du monde avec ces images, parce que c'est la vraie info qui est pure et dure, qui est pas filtrée et qui est pas du tout dirigée en fait. Merci. Merci à toi. Bah vas-y. Vas-y. Non, il voulait pas parler. Non, c'est juste demander des questions. Ok. Du coup, je suis pas habitué, donc faut me dire si je le rapproche plus, tout ça. Vas-y, je te dirai, Donc voilà. Comme il a été dit juste avant, il y a des médias alternatifs, il y a des bons médias. Pardon, ok. Il y a de la bonne presse. Le problème, en fait, c'est qu'on est dans un système, c'est l'offre et la demande. Donc, si c'est pas ceux qui percent, il faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous consommez ? Voilà. Je pense que ça se résume là, et je suis désolé de le dire là, parce que les gens qui sont là ne sont peut-être pas concernés par ce que je suis en train de dire, mais c'est un fait en fait. C'est comme si on demande aux gens, est-ce que vous regardez Arte, est-ce que vous regardez ceci, est-ce que vous regardez cela. Oui, on regarde Arte, la LCP, France 5, puis après on regarde ce que disent donc les machines qui sont branchées sur certaines télés chez certains spectateurs. Et là, on voit qu'il n'y a même pas 10% de personnes qui regardent ces chaînes-là. Bon, c'est pas ceux qui sont là, à mon avis. Mais c'est un fait. Donc, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, eh ben, on se met devant un miroir, parce que devant un miroir, on est quasi incapable de mentir. Et là, on se parle et on dit, alors, merde, est-ce que je suis quelqu'un de bien? Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, etc., etc. Mais encore une fois, je suis désolé de dire ça là, parce que je pense que ça ne vous concerne pas. Et voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est surtout que les gens qui sont là, ce qu'ils aiment dans ce que les gens disent en général, parce qu'il y a des gens qui parlent pour s'écouter eux-mêmes, il y a des gens qui parlent pour d'autres raisons, bref, et il y a des gens qui parlent sous la colère. Je leur en veux pas, parce qu'il y a moyen aujourd'hui d'être en colère, mais il faut éviter de parler dans ces moments-là, parce qu'on le transmet. Moi, je suis un peu en colère d'ailleurs, mais bref. L'idée, voilà, c'est ça. C'est quand il y a quelque chose qui vous plaît, faut le transmettre. Et vous, je sais très bien qu'il y a presque plus grand chose à vous dire à part ça. Donc voilà, il y a de la bonne presse. Maintenant, consommons-la. Et soyons consommateurs, comme le dit ce très bon terme. Néo-terme, on va dire, voilà. Merci, bonne journée. Merci à toi. Donc je vous rappelle, on est sur le thème des médias de l'information. Donc sur quelle société veut-on ? Donc qui va prendre la suite du débat ? Bah rapproche-toi par là, parce qu'avec la sono là, tu es dans l'angle où ça va faire tchou ! Ça va pas être bon. Faut que je me lève en plus. Ouais, j'aimerais. Du coup, en fait, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit un petit peu tout à l'heure, sur quelle information on donne aux gens. Et effectivement, ça a été dit un petit peu plus ou moins, mais si on parle que de faits divers, pour moi, c'est pas forcément de l'information. Aujourd'hui, on est clairement, on est un peu dans la peur. On veut faire un peu peur à tout le monde, parce que quand on fait peur à tout le monde, après, on est un petit peu plus docile de l'autre côté. Et c'est le cas aussi pour tout quand on travestit les manifestations, enfin plein de choses. Il n'y a pas que les manifestations d'ailleurs. Là-dessus, moi, je comprends pas. J'ai jamais compris pourquoi les gens s'intéressent autant aux faits divers, en fait. Je sais pas. Il y a plein de canards. Pourquoi les gens s'intéressent à la vie d'autres gens qui sont soi-disant des stars? Et en fait, pourquoi Closer et toutes ces conneries, ça marche en fait? Parce qu'en fait, on s'en fout. Et c'est des gens comme nous, ils chient, ils pètent, ils prennent des bains, j'en sais rien. Et non, aucune censure. Mais c'est vrai que c'est cette espèce de voyeurisme, j'ai toujours pas compris pourquoi on est comme ça. Alors est-ce qu'on est comme ça parce qu'on est pas bien dans notre peau, ou parce que ça nous fait dire bon bah voilà, le mec d'à côté il fait des trucs pires, donc en fait finalement moi je suis pas si mal que ça. Enfin c'est assez bizarre en fait, et il faudrait vraiment sortir de cette espèce de système complètement foireux où en gros on va acheter un truc pour se moquer un peu de l'autre parce que elle est en première page avec un bouton sur le pif et que voilà c'est rigolo, et que ou qu'elle a une robe ou que je sais pas quoi, qu'elle a pris des kilos, enfin bref on s'en fout un peu, et tout ce côté là moi ça m'énerve un petit peu, je vous le cache pas aussi. Et il faudrait qu'on arrête en fait tout ça, enfin tout le commérage, etc., etc. Enfin revenir à des choses beaucoup plus existentielles. Et pour moi les faits divers dans la société idéale, en fait il y aurait même pas de rubrique faits divers. On s'en fout un peu et on parlerait vraiment de choses beaucoup plus intéressantes que je sais pas quoi. Enfin bref, j'en connais même pas des faits divers. Vas-y, viens. Oui, alors tu parlais de faits divers. Je pense qu'il faut il faut faire la distinction entre, enfin, voir vraiment qu'est-ce qu'on appelle faits divers. Est-ce que le faits divers c'est le gossip? Je suis pas sûr. Ce qu'on appelle faits divers, ce sont des faits de la vie quotidienne, de la société, des choses qui ne sont pas forcément singulières, mais qui parlent de un tel a tué son l'amant de sa femme, une famille a disparu, il y a eu un règlement de compte. Bon voilà, ça c'est ce qu'on appelle les faits divers. Sylvain, ouais. J'expliquais juste que il faut pas confondre les faits divers, vraiment ce qui est réellement les faits divers, c'est-à-dire les assassinats, les disparitions, toutes ces choses-là, tous les crimes et autres, tout ce qui est dans le nouveau détective, avec le je sais pas comment l'appeler ça, si c'est du gossip news, où on nous parle de Nabila qui passe ses vacances en je sais pas où, et machin qui s'est refait faire le nez. On est sur deux choses différentes. Il y a quelque chose qui est matraqué sur la population avec les histoires des stars et de leurs états d'âme. Ça, c'est quelque chose, je pense que c'est pas du fait divers, c'est de la publicité. C'est tout simplement de la pratique de publicitaire où on envoie, où on matraque des personnes qu'ensuite on va légitimer dans les autres médias. Donc voilà, là on est sur quelque chose qui me semble très politique. Et après, les faits divers, la mère Michel a perdu son chat, le fils de la mère Michel s'est fait tuer pour un pain au chocolat ou je ne sais quoi. Ça, ce sont des questions de ouais, il y a un aspect commérage, mais il y a aussi un aspect, ça donne une image, une photographie d'une partie de la société, de ce qui se passe dans la société. Et interdire, enfin pas interdire, mais se dire on va se passer de ces faits divers, ça me semble un peu dangereux, parce que ce serait faire passer dans l'ombre une partie des réalités de notre société. Et on peut, moi je suis pas sociologue, mais je pense que quand on a une vision, un regard un petit peu sociologique sur la société, ce qu'on appelle les faits divers, eh bien ça peut être quelque chose d'assez éclairant. Et je pense qu'il y a une place dans les médias, même si moi perso ça ne m'intéresse pas, mais je pense que voilà, il faut pas les écarter. Par contre, les gossip news sur les stars, oui, ça on s'en fout. Mais je pense dans les médias qu'on, dans la société qu'on veut, je pense que toutes ces fausses stars médiatiques, elles n'existeront pas. Merci à toi. Tu veux prendre la suite? Bah écoute, il y a personne qui veut parler, moi je tourne, hein. Alors, re-moi, donc c'était pour répondre à ce qu'il y a eu avant et re-avant. Donc déjà pour dire que effectivement la rubrique des chiens écrasés, surtout qu'on est au printemps, on s'en tape. Et après pour dire que, bah pourquoi pas en fait, que les gens aient ce qu'ils veulent. Après, je vous conseille un truc en parlant de bons médias, ça s'appelle le mouton lucide sur YouTube. Voilà, donc il vous explique pourquoi on aime cette rubrique des chiens écrasés en fait. Et pourquoi on aime la télé-réalité. Bah ouais, parce que on voit quelqu'un, en fait il y a une glande dans le cerveau qui fait qu'à chaque fois que vous voyez quelqu'un et vous êtes dit lui c'est un salaud, et vous allez le voir dans l'évolution de quelque chose, d'une histoire, donc la télé-réalité ou la rubrique des chiens écrasés, parce qu'on va l'identifier à quelqu'un qu'on connaît ou un stéréotype, on va faire « Ah, il a eu ce qu'il mérite !» Et là, paf, Dans votre cerveau, ça va vous faire du bonheur un peu. Et ça, c'est malsain. Et c'est une glande, elle est géniale. Et c'est pour ça qu'il faut pas arrêter la rubrique des chiens écrasés. Parce que du coup, les mauvais vont payer. Parce qu'en fait, c'est une glande, elle est trop bien. C'est-à-dire que vous jouissez du malheur de quelqu'un que vous estimez mauvais. Donc, plus vous êtes bon et plus vous aimez tout le monde, et moins elle agira. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette glande? Donc, ok, elle vous stimule. Ah, gros kiff, ce connard a eu ce qu'il méritait. Mais à côté de ça, elle détruit vos cellules grises. Et ça, c'est la preuve de l'évolution. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, oui à la rubrique des chiens écrasés. Et oui à la mort intellectuelle des abrutis. Enfin, des méchants, pardon. Merci. Pas de soucis. Oui. Moi, je voulais reprendre sur ce que tu disais. C'est... Enfin, moi, je suis pas d'accord pour les chiens écrasés, voilà. Mais ce qui est le plus grave pour moi, c'est pas simplement qu'on distrait. Et d'ailleurs, toute la télé, les journaux, etc., c'est fait pour distraire. C'est pas fait pour informer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, pour moi, qui est encore plus importante, c'est le langage qui est utilisé, qui est un langage complètement débile et qui rend les gens débiles. Et ceux qui regardent la télé toute la journée, ils deviennent forcément débiles. Et après, on peut en faire ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument aucun média, parce qu'il n'y aura jamais un vrai langage, un bon langage. Enfin, je ne sais pas si ça existe, mais... un langage où on peut dire quelque chose, c'est-à-dire vraiment informer, donner des connaissances, et pas ce qui se passe avec les chiens écrasés, pour moi c'est la colonisation américaine, c'est-à-dire il faut, pour avoir des spectateurs, des téléspectateurs ou des gens qui lisent, il faut du sang, il faut du bruit, il faut que ça bouge, que ça déménage, et à côté de ça, même en France, il y a des millions de gens qui bossent toute la journée, qui font leur boulot, qui sont intelligents, qui lisent des bouquins, qui vont voir des films où ça les fait réfléchir, ils discutent avec les copains. Il paraît que même dans les banlieues, il y a des jeunes intelligents. Il paraît, bon, moi j'y vais pas parce que c'est dangereux. C'est trop dangereux. Mais quand même, ce langage qu'on nous sert tout le temps et qu'on nous apprend aussi avec les jeux vidéo, par exemple, avec les enfants, maintenant on commence à se rendre compte que le vocabulaire, il y a quelques années, enfin, je sais pas les chiffres exacts, mais c'était 1000 mots, après c'était 500, maintenant on doit être à 300 mots de vocabulaire pour les enfants de 10 ans. Alors c'est vraiment une régression, on devient des sous-humains, parce que si on n'a pas le langage, on n'est plus des êtres humains. Et c'est ça qui est important. C'est pas tellement ce qu'on dit, c'est comment on le dit. Et avec qui on le dit. Oui, à propos d'idiot, je vous conseille un film que j'ai vu il y a pas longtemps, qui a été projeté par Arte, il y a pas très longtemps, suite à l'arrivée de Trump, qui s'appelle Idiocratie. Et dans Idiocratie, en fait, c'est une sorte de satire aux États-Unis de la dégringolade de l'humanité qui effectivement n'a plus de vocabulaire, qui sait plus que pour faire pousser des plantes, il faut l'arroser avec de l'eau et qui l'arrose avec du Gatorade parce que le mec qui tient Gatorade, cette entreprise, a pris pouvoir sur tout et donc on a le droit de boire que du Gatorade, même à l'hôpital. À l'hôpital, on peut pas boire de l'eau, on boit du Gatorade. Et en fait, c'est totalement... ça paraît totalement très très loin de nous, mais en même temps, ça vaut le coup de le voir pour effectivement se rendre compte que, à force d'être abreuvé par la télé, la mauvaise télé, les gens effectivement deviennent complètement stupides, quoi. Attends deux secondes. Je vais mettre des petits sièges. Hein. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Vous pouvez les utiliser. Oui, en fait, c'est un point que je pense qu'on n'a pas encore soulevé sur l'information et nous, en tant que capteurs de cette information, c'est l'aspect critique que nous, en tant que citoyens ou même en tant que personnes qu'on a envers cette information, de la remettre en question et d'être toujours à la quête de la vérité, même si elle est diffusée à la télé quotidiennement. Et je pense qu'aujourd'hui, avec Internet et toutes les différentes manières de de partager cette information. Je pense qu'on a beaucoup plus qu'avant au niveau de dire ce qu'on se pense et même par exemple ce qui passe avec Théo et tous les moyens qu'on a pu voir ce qui s'était vraiment passé. Donc faut pas prendre ça en voilà, je pense qu'on aurait peut-être comment dire toujours aller à la quête de la vérité et challenger tout le monde et tout ce qu'ils disent à chaque fois. Enfin, je pense que c'est notre devoir de toujours remettre en question l'information. Ok. Oula. Bah, en fait, je réagis un peu, positivement à tout ce que vous dites. Et je me dis qu'en final, quand on regarde bien, les médias sont devenus marketing. Quand ils regardent ce qui se passe au cinéma ou ce qui se passe dans les jeux vidéo, ce qui se passe à la télé, forcément, ils peuvent pas montrer des images un peu trop plan-plan où les gens s'ennuieraient. Donc il faut qu'ils intéressent avec du sensas, avec de l'événementiel, avec des choses qui pètent de partout et tout. C'est au final c'est ça qui fait vendre, c'est ça qui fait que les gens vont se brancher sur BFM TV et vont regarder BFM. Attention, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a encore un attentat, il y a encore machin qui s'est jeté de chez Padou. Et c'est ça qu'au final qui vraiment captive l'intention des gens. Et ça aide finalement tout ce système médiatique et gouvernemental à endormir la population de plus en plus sur des petits faits divers ou des pets de cerveau de certains dans cette population. Et du coup, tant qu'on reste concentré là-dessus, on regarde pas les vraies choses qui peuvent arriver ou qui peuvent nous permettre de faire changer les choses et justement être plus critique face aux médias et face à la merde qu'on nous sert tous les jours dans nos assiettes. Merci à toi. Qui veut prendre la parole? Toujours chaud? Bon bah écoute, de toute façon il n'y a personne d'autre, donc à un moment... Merci. Donc du coup, je voulais rebondir sur Idiocratie, c'était ça, hein? Ouais. Donc film génial à voir. Pour moi, on est dedans, hein, clairement. Y a pas à chier, hein, on est vraiment dans Idiocratie. Hein. Faut le regarder et comprendre. Film d'anticipation, on va dire. Mais en fait, non, on est dedans. Et je voulais rebondir sur l'autre truc qu'il avait dit, mais je me souviens déjà plus. C'est pas grave. Y a quelqu'un qui peut m'aider? C'est important quand même. Qu'est-ce qui avait été dit juste avant, s'il vous plaît? Juste après Idiocratie. Oui, voilà, merci. Donc moi, je vous conseille un autre truc. Merci. C'est les nouveaux chiens de garde. Donc il y a eu un bouquin qui a été écrit il y a longtemps, je ne l'ai pas lu, j'ai pas eu cette chance. Je vous le conseille, donc les chiens de garde. Et après, il y a eu un documentaire qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde. Et puisqu'on parle des médias, c'est génial. Parce qu'en fait, les chiens de garde, dans ce film, sont les chiens qui défendent le système. Et donc, ce sont les médias, forcément. Et donc, je vous conseille de le voir. Je vais pas vous le résumer parce qu'il est juste génial. Je vous conseille aussi Solutions Locales pour un désordre global, qui parle d'avenir, d'écologie, voilà. Donc moi, je suis au ministère de l'écologie, je suis un informaticien au ministère de l'écologie, donc je ne suis pas moi, hein, et voilà. Donc vraiment, je vous le conseille, Solutions Locales pour un désordre global et Les Nouveaux Chiens de Garde, c'est génial, on comprend un peu les rouages du système, et j'espère tout à l'heure reparler d'autres choses qui n'ont rien à voir avec les médias, donc que je ne dirai pas maintenant, voilà. Encore merci à vous, tout le taf et tout, enfin c'est génial. Merci à toi. Donc je vous rappelle, vous êtes à Educ Pop. Non mais je sais, mon verre est fort. On est à Educ Pop. Quelle société veut-on? On part sur les médias et l'information, donc qui veut prendre la parole? On ne mange pas, on ne mord pas, vous êtes libre? Bah viens voir, vas-y. Ouais, après oui. Mais bon, vous pouvez dire ce que vous voulez, il n'y a pas de souci dans cette partie-là. Bah moi je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté un peu ce qui a été dit. Et à la limite, je voulais peut-être rebondir sur le fait que la société accepte plutôt la plupart des produits qu'on utilise plutôt que de se remettre en question. Par exemple, c'est le cas dans le sens où quand on va acheter un téléphone ou quand on va acheter n'importe quel produit, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas forcément chercher à savoir comment ça marche, mais plus la démarche globale dans la société, et on va plus prendre le truc et l'utiliser, tout simplement. Donc après, peut-être justement, ce que font les médias, c'est peut-être ça, c'est on prend l'information qu'ils donnent plutôt que d'aller rechercher comment ils l'ont chopé, et peut-être c'est plus un problème global dans la société, et ça s'applique pas qu'aux médias, justement. Donc voilà un peu. Merci à toi. Qui veut parler autre? Ne vous inquiétez pas, on ne mord pas, on ne mange pas, vous pouvez parler, il n'y a pas de souci. Donc on est sur les médias, qui veut prendre la parole? Non, vous gagnez rien. Bon, bah vas-y. Hein. On... Je suis spécialiste du meublage. Donc, au niveau des médias, effectivement, après, on l'a dit tout à l'heure, et la transmission d'informations. Et moi, je pense qu'on a toujours eu cette réflexion dans la société idéale. Qu'est-ce qu'on fait d'Internet? Qu'est-ce qu'on fait du numérique? Qu'est-ce qu'on fait des nouveaux moyens de communication? Aujourd'hui, ouais, on se rend compte qu'effectivement, ça peut nous donner beaucoup plus d'accès à l'information. Après, on a toujours, y a toujours ce débat sur, une fois que tu as accès à l'information, tu l'as, mais qu'est-ce que t'en fais? Et comment tu le prends? Comment tu acquiert, je sais pas comment ça se dit. Enfin, ouais, vous m'avez compris. Et derrière, quelle réflexion on fait? Moi, je trouve que ça, c'est intéressant parce qu'encore une fois, on l'a déjà dit ici, la Terre, elle est assez vaste. Il peut se passer plein de choses à l'opposé de la planète. Et ça, en tout cas, c'est un truc qui fonctionne plutôt bien actuellement et qu'il faut absolument conserver parce que y a des problématiques à l'autre bout de la planète que s'il n'y avait pas ces, entre guillemets, ces moyens de communication, ça serait compliqué. Alors après, ce qui est un peu chiant, c'est que c'est Google qui fout des espèces de trucs dans la flotte en Antarctique pour pouvoir foutre Internet un peu partout. Et ça commence à être un petit peu problématique. Et donc, alors après, c'est moche le mot que je vais employer, mais ce qu'il faudrait, c'est une espèce de soit de sociabilisation, c'est un peu barbare, ou un truc populaire, mais aussi dans le moyen de diffusion de l'information, en fait. C'est alors c'est bien qu'il y a des zones de pays, des pays qui n'avaient pas Internet et qui vont l'avoir, mais du coup c'est comment on le fait? C'est tout le système derrière. Est-ce qu'on est tous obligés d'acheter des smartphones faits par des petits Chinois à 1 euro l'heure ou je ne sais quoi? C'est aussi cette question de comment, l'objet entre guillemets où on va trouver l'information, comment il est fait? Et par qui il est, entre guillemets, contrôlé. Et pour moi, en tout cas, dans la société idéale, forcément, je vais pas être très original, mais du coup, c'est quelque chose, en fait, qui appartiendrait à, alors, au peuple. Ça ne pouvait rien dire quand on dit ça, mais c'est un petit peu ça l'idée, en tout cas. Et que ça soit plus des gros groupes type Google ou autres qui fassent ça. Dans des buts finalement tout à fait commerciaux et de faire de la thune. Donc voilà, je sais pas. Alors pareil, ça c'est mon petit côté écologique, mais les smartphones pas top, hein. Parce que il y a les puces à l'intérieur, on sait pas trop comment c'est sorti de la Terre, etc. Donc je sais pas comment on ferait si on fait sans smartphone, si on fait sans tablette. Et nos aînés l'ont fait. Aujourd'hui, on peut difficilement le défaire, mais dans la société idéale, vu qu'on est dans l'utopie, je sais pas, une tablette solaire, j'en sais rien. Enfin bon, un truc, il faudrait trouver un truc. Mais alors là, après, libre à vous, faites-vous plaisir. Hein. Merci. Donc là, vous parlez des médias. Bon, le problème, c'est que je prends un peu le train en route, là. Je sais pas ce qui a été dit avant. Là. J'étais aussi en même temps en train de discuter. Je suis un peu dissipé, je m'excuse. C'était juste pour savoir, est-ce que vous avez parlé des milliardaires qui détenaient les médias là? C'est un gros problème. Donc les médias, ils devraient être au service du peuple pour éclairer le peuple et pas pour faire le contraire. Les médias, quand des milliardaires s'achètent des médias, c'est pas pour le bien du peuple, hein. C'est que ces gens-là, ils ont compris, comme Rothschild au 18e, que par exemple Rothschild, lui, il avait compris qu'en prêtant de l'argent à l'État, c'est comme ça qu'on avait qu'on contrôlait le monde, quoi, en prêtant de l'argent aux États. Et les milliardaires, c'est ce qu'ils font, hein. C'est exactement ça, hein. S'ils s'achètent des médias, c'est pour pouvoir avoir du pouvoir politique, parce que quelqu'un qui veut faire une campagne présidentielle, s'il passe pas dans les médias, voire même s'il n'est pas financé, bon après là il y a les financements illicites, il y a plein d'histoires, mais s'il passe pas dans les médias, un mec qui passe pas dans les médias, il a aucune chance d'être président. Donc c'est pas pour rien qu'un milliardaire il s'achète des médias, voilà. C'est super important. Ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, comme par hasard, on a un monsieur qui vient de la banque Rothschild qui s'appelle Macron, et qui a été qui est complètement un personnage de communication, quoi, qui a été complètement créé par les médias. Il suffit de voir qui finance la campagne présidentielle de Monsieur Macron, c'est les mêmes milliardaires qui tiennent les médias. Hein. Vous allez voir, vous verrez. Hein. C'est impressionnant. Hein. Donc un mec comme Macron, c'est un pur produit médiatique. Hein. Il a jamais été. Il est arrivé, c'est les médias qui l'ont. Ils ont fait plein de storytelling sur sa vie, sur sa femme. Vous regarderez tous les journaux qui ont été faits sur lui, le nombre de fois qu'il passe à la télé, alors que je sais pas, par exemple, un mec comme Poutou qui est passé hier soir à la télé, on le voit jamais. Voilà. Donc et je vois pas pourquoi. Alors vous savez ce que vous dit le CSA? Le CSA il vous dit que c'est en fonction des pourcentages des pourcentages de ces gens-là, comment ils sont crédités au niveau de leur pourcentage par rapport aux élections, quoi, aux sondages. Mais je vois pas pourquoi, je vois pas ce que fait un Macron là-dedans. Par exemple, Macron, quand il vient parler des problèmes de colonisation, hein, comme quoi ce serait un crime contre l'humanité en Algérie, c'est pas le mec ce qu'il fait là, c'est juste du bruit, hein, ce qu'on appelle du bruit, c'est de la communication. Il fait comme Sarkozy avec les racailles, il faut être toujours présent dans les médias, quoi. C'est ça leur truc, voilà. Donc c'était juste pour dire ça, quoi. Voilà, moi si je voulais pour le dire, quoi, les médias pour moi dans la société, dans une société future, quoi, je sais pas quelle société veut-on, voilà, et ben pour moi ce serait des médias qui seraient au service du peuple, où d'ailleurs les journalistes tourneraient dans les médias, on verrait pas toujours les mêmes personnes comme Attali, etc., des gens qui viennent nous faire croire que l'économie c'est compliqué, que faut laisser ça à des gens qui s'occupent de vos affaires, quoi, etc., enfin des gros mensonges, quoi, hein, parce que l'économie ça a jamais été une science, c'est une idéologie, hein, évidemment, voilà. Donc voilà, moi, quelle société veut-on? Moi, je voudrais une société où les médias, ils seraient publics, ils seraient au service du public, et voilà, et y aurait des votes, même voire des élections, ça tournerait, ce serait jamais les mêmes, mais que les patrons, ils seraient pas nommés par des politiciens, etc., quoi, que ce serait le peuple qui nommerait les patrons, par exemple, des médias, enfin, il y aurait même pas de patrons, puisque ce serait des médias démocratiques, le pouvoir y tournerait, etc., voilà, et on éclairerait le peuple, quoi, on essaierait de l'impliquer dans la citoyenneté, on lui expliquerait vraiment ce qui se passe, et parce qu'en fait, la politique, ça fonctionne par les choses qu'on cache. C'est un peu long, non? Je suis un peu trop long? Non, non. Ah pardon, voilà, bon bah vas-y, hein, je te laisse la parole parce que bon, je peux... Non, c'est bon, hein, y a pas de souci. Bah j'ai fini, c'est bon. Bon. Bah, direct matin, c'est tenu par Monsieur Bolloré, hein, tout ce qui est direct, c'est tenu par Monsieur Bolloré. Monsieur Bolloré, il achète plein de télé et de journaux, hein. Voilà, Le Monde, c'est pareil, hein, c'est Monsieur Xavier Niel, Monsieur Berger, enfin tous nos journaux, pareil, on a des vendeurs d'armes, hein, qui ont des intérêts avec l'État, que par exemple on a Dassault qui tient Le Figaro, on a Europe 2 qui est tenu par Monsieur Lagardère, hein. Voilà, Virgin, etc. Voilà, Monsieur Lagardère, c'est pas par hasard s'il s'achète des médias. Hein. Évidemment, hein, ils vendent des armes avec l'État. Hein, faut pas oublier. Hein. On a Bouygues, pareil, qui tient TF1, hein, comme tout le monde le sait, hein, et qui tient Métro aussi. Hein, parce que Direct Matin et Métro, c'est des tracts qu'on donne aux gens tous les matins. Hein. C'est énorme. Hein, vous imaginez le nombre de tracts qu'on donne tous les matins aux gens? Des tracts politiques. C'est des tracts politiques, Métro et Direct Matin. Bah ouais. Voilà. Ça n'existe plus, bon bah c'est pas grave, vous inquiétez pas, ils vont trouver autre chose. Hein. En tout cas, TF1, c'est la chaîne qui est la plus regardée. Par exemple, une chaîne comme TF1, ça devrait pas. On n'aurait jamais dû la vendre à quelqu'un comme Bouygues. Voilà. Parce que Bouygues, c'est pas par hasard après qu'il se retrouve avec la téléphonie. Hein. La téléphonie, je rappelle que ça gagnait de l'argent à l'État au départ. Hein. Hein. C'est au moment où il y a Internet qui arrive et les téléphones portables qui arrivent qu'on vend ça à Bouygues. Alors que c'est une manne financière pour l'État énorme. Et après on vous parle de dettes. Hein. Je rappelle que le dette, c'est pareil, hein, c'est une grosse magouille. Hein. C'est pas pour rien que pareil, t'as des banques qui détiennent des journaux. Hein. Je rappelle que Rothschild, par exemple, il tient Libération. Rothschild, c'est lui qui est dernier à Libération. Hein. Un soi-disant journal de gauche. Enfin bon, voilà, tout ça c'est une arnaque. Voilà, les médias, faut faire très attention. Les médias, ils devraient être au service du peuple, pas au service de ces gens-là. Voilà, parce que ces gens-là, ils sont pas au service du peuple. Ils veulent pas de la démocratie, etc., etc. Voilà, je passe la parole. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à toi. Oui, en plus, si la téléphonie, etc., était publique, peut-être qu'on... Allô ? Non. Je suis auto-censurée. Peut-être que ça permettrait justement qu'il y ait une orientation écologique qui soit prise, parce qu'il y a certainement plein de moyens de développer des outils de communication qui soient moins polluants, mais pour ça, il faudrait seulement qu'il y ait une volonté qui aille dans ce sens-là. L'autre chose que je voulais dire, je voulais citer le film quand même Requiem for a Dream, parce que là, dans la question transmission d'informations et médias, on voit très bien les effets que ça peut avoir. Je sais pas si vous vous rappelez la maman dans le film, la grand-mère ou la maman. Et l'autre truc, c'est qu'en fait, je pense qu'il serait possible d'envisager les médias comme de l'éducation populaire. Donc un endroit dans lequel chacun puisse venir prendre la parole pour exprimer sa vision, la vision de ce qui l'entoure et de ce qui se passe pour lui, et où du coup ce serait à la fois un lieu d'échange et en même temps un lieu d'information. Donc bon, ça ça renvoie à ce qu'on disait au début. Et la dernière chose, c'est que dans transmission d'information, il faut aussi qu'on prenne en compte le cinéma, la musique, voilà. Enfin, c'est pas seulement les médias télé, internet et radio, quoi. Merci. Donc, je vous rappelle, vous êtes dans l'atelier Éduque Pop. Quelle société veut-on ? Aujourd'hui, on est en train de faire le thème qu'on parle, c'est les médias, l'information en général. Donc, qui veut parler, bien sûr, on vous mange pas, vous pouvez venir prendre la parole sans problème, on ne mange pas, on ne mord pas, il n'y a pas de souci. Ah, viens. Ah oui, attends. Oui, viens, attends, je passe après, vas-y. Bon, alors, je vais prendre la porte que la précédente intervention a ouverte sur la musique, en tout cas, je vais parler de la musique. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a un accès à la musique qui est assez hallucinante. Tout le monde peut écouter des trucs que leur grand-père écoutait il y a quelques temps. Alors malheureusement, c'est sur des vidéos YouTube, donc on perd le charme du vinyle. Donc voilà, j'en passe une pour les petits disquaires, c'est assez fait. Que je soutiens allégrément, les disquaires indépendants. On a la chance, bizarrement en France, d'avoir une diversité musicale, ce qui est très riche, mais qu'on n'entend pas forcément, notamment parce qu'on matraque souvent les mêmes. Je vais appeler ça des sons, parce que pour moi, c'est pas forcément de la musique, et on matraque toujours les mêmes trucs. Et quand vous écoutez une heure d'une radio généraliste, musicale, très connue, vous avez quasiment fait le tour de la programmation musicale. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour les gens qui aiment la musique, c'est juste affreux. Moi, en fait, on en parlait un petit peu tout à l'heure de la diversité musicale. Mais en fait, c'est même de la diversité de la création musicale. Parce que aujourd'hui, quand on veut faire un disque, on a déjà eu le débat ici de musique entre guillemets engagée ou etc. Et on a souvent des barrières et on a souvent une liberté de création, on va appeler ça comme ça, c'est un peu barbare, mais qui est limitée. Alors pour la petite boutade, j'ai appris récemment que le dernier vainqueur d'un truc qui s'appelle La Nouvelle Star a même été viré de sa maison de disques, donc ça m'a fait énormément sourire. Parce que en fait, il trouvait pas un compromis commercial à la musique qu'il souhaitait faire. Donc bon, on en arrive là. Mais du coup, voilà, pour moi, derrière, il y a la liberté de création. Et après, il y a le mode de diffusion qui va avec. Et finalement, peu importe, parce qu'aujourd'hui, on a fait, je crois, alors je sais pas si c'est une loi ou je sais pas comment ça s'appelle, mais un truc pour qu'il y ait des chansons en français à la radio. Et en fait, c'est complètement stupide parce qu'on impose des choses et finalement, que ça soit français ou pas, c'est juste de la merde en fait. Et du coup, peu importe le langage, pour moi, c'est universel. Après, tu chantes en français, tu fais de la bonne musique. Après, c'est tout le monde a le droit de juger hein, si c'est bien ou c'est pas bien. Mais du coup, voilà, pour moi, les quotas, il y en a pas besoin. Après, moi, je trouve ça complètement ridicule. Et donc voilà, liberté dans la société idéale, liberté de créer la musique qu'on veut et liberté de diffusion aussi. Voilà. Merci à toi. Alors du coup, puisqu'on parle de liberté, ça va peut-être être un peu en dehors du sujet. Je voulais parler de l'informatique, le libre dans l'informatique. Donc Linux, Android, c'est basé sous Unix. La pomme, hein, qu'il faut pas croquer d'ailleurs, elle est basée sous Unix. Enfin bref, le libre, il y en a partout en informatique. Hein. On remplace Facebook quand vous voulez, on remplace YouTube quand vous voulez, on remplace tout ce que vous voulez, quand vous voulez, par du libre. Hein. Donc libre, ça veut dire que vous êtes libre, c'est-à-dire que vos données ne sont pas à la société, enfin, qui héberge tout ça. C'est à vous, ça reste à vous, le code source, c'est-à-dire la recette, comme pour faire un gâteau, du logiciel est libre. Vous pouvez la lire, vous pouvez vérifier, enfin bref, le libre, c'est génial. Ensuite, je voulais parler donc d'un média libre, et bien étendrez... Enfin, excusez-moi, attendez, moi, je connais un truc, ça s'appelle Type C. Sur Internet, c'est super connu, c'est-à-dire donner de l'argent pour un projet. Ah, on a besoin d'un projet. Des youtubeurs, il y en a plein, ils sont géniaux. Donc, pourquoi on fait pas un putain de projet, on type, puisqu'on est nombreux à vouloir que ça change, et les mecs, ils nous font une chaîne télé avec leurs vidéos YouTube. Fin de l'histoire. Il y avait un troisième point, je m'en souviens plus. Peut-être tout à l'heure, mais déjà voilà, je sais pas, ça me paraît tellement évident et vous en avez tous des idées quoi, faut les donner. Il y a le Tips aujourd'hui qui permet à chacun qui croit en une idée de la rémunérer, de lui le permettre d'exister en fait. On est plein à avoir le même rêve aujourd'hui. On a les billes, elles sont là, on peut tipser, les mecs ils montent leur rêve, mais on attend quoi? Fin de l'histoire, juste faut. Croyez-vous, c'est tout. Bien sûr, bien, non, excuse-moi, ouais, vraiment, t'as raison, c'est-à-dire que croyez-vous, oubliez pas les autres. Merci, merci à toi. Merci à toi. Ouais, du coup, c'est super d'entendre ce genre de commentaires, parce que c'est, enfin, je fais partie de ce monde et du coup, j'aime bien quand quelqu'un d'autre en parle. Pour aller un peu plus loin, il y a aussi, je sais pas si tu connais la blockchain. Bah, c'est en gros, c'est un réseau d'échange sécurisé, décentralisé, qui est open source et qui peut amener à vraiment un vrai changement dans nos pratiques, qu'ils soient médias ou même de décision. Et du coup, là-dessus, je t'enverrai aller te renseigner. Et franchement, je pense que tu vas découvrir un peu quelque chose de bien. Et ensuite, juste une proposition, après un truc en l'air, hein. Encore une fois, moi j'aime bien les trucs un peu en l'air. J'aimerais qu'on parle un peu, parce que étant donné que dans les médias, il y a aussi quelque chose qui nous pollue tous les jours, en tout cas moi qui me pollue aussi bien l'esprit que les yeux, ça s'appelle la publicité. Et j'aimerais qu'en fait cette publicité soit modifiée, au moins par moment, pour envoyer plutôt que de la merde, envoyer des messages d'éducation populaire. Histoire de faire réfléchir un peu la population, si on avait, au lieu de regarder la belle voiture rouge que vous pouvez acheter mais que vous n'aurez jamais l'argent pour le faire, oui voilà, faites un crédit, oui voilà, bien sûr, mais on n'appelle pas à faire des crédits, c'est pas terrible. Mais si on changeait ce message un peu débilisant, par des messages justement de réflexion sur la société, de dire, et si la vie était comme ça? Ça serait pas merveilleux quoi. Et du coup, je pense que ça enverrait vraiment une dynamique nouvelle dans cette société. Après, faut pas que ce soit du martelage non plus, parce que sinon les gens vont vite se lasser. Mais je pense que ça pourrait vraiment apporter quelque chose. Donc, si on pouvait peut-être ici, je sais pas, je lance vraiment une idée en l'air. Hein, si on pouvait réfléchir à un espèce de modèle pour changer la publicité et lui faire adopter des messages d'éducation populaire, peut-être. Dans un premier temps, avec une phase un peu produit, parce que forcément, on pourrait pas faire on pourrait pas changer la publicité de manière radicale. Enfin, j'imagine pas que les chaînes de télé vont nous accepter nos pubs d'éducation populaire comme ça, même gratuitement. Mais du coup, ouais, peut-être réfléchir là-dessus. Je lance le truc comme ça, quoi. Merci à toi. Tu veux prendre la parole? Attends, oula, Yann. Allez-y. Bonjour. Je suis une promeneuse ordinaire d'un dimanche. Je passe place de la République au lieu de commémoration depuis un certain temps par rapport à des événements qui ont frappé notre société, notre vie parisienne. Et moi, je vais dénoter parce que je n'ai rien à voir avec vous tous. Je passe sur cette place tout à fait par hasard. Je suis mariée, j'ai des enfants, je suis fonctionnaire et je vais vous dire, j'ai deux valeurs pour vous en sortir. Vous voulez que je vous les dise, ces valeurs qui ont été les miennes, la culture et le travail, quel qu'il soit, d'où que l'on vienne, quelles que soient nos origines, quels que soient nos parents, nos blessures, nos parcours, la culture et le travail, les maîtres mots de la progression sociale, de l'intelligence, du recul de la barbarie, le travail et la culture, parce que tout est possible, on a la chance d'être encore dans un état de droit. Demain, on n'y sera plus, sachez-le. Nous n'y serons plus. Si les choses continuent, nous n'y serons plus. Il faut se battre pour les valeurs que nous avons à notre disposition. Des bibliothèques, des lycées, des collèges, une sécurité sociale extraordinaire. Il faut qu'on se batte pour ça, pour le préserver, mais dans le bon sens du terme. Pas pour le détruire à coups de kalachnikov ou de poubelles incendiées. Il faut que le savoir demeure, la culture, c'est ça qui nous sauvera de la barbarie. Je peux vous le dire, et je suis née à Château-Rouge, dans un quartier où tout le monde cohabitait, juifs, musulmans, laïcs, et personne ne se tapait sur la gueule. Et j'ai écouté les républicains, j'ai écouté les laïcs, et je m'en suis sortie grâce à ma culture, grâce à mon envie de m'en sauver. Voilà. Il faut vous sauver, sinon demain c'est la guerre civile. Je vous le dis, et je suis la première à vous le dire. Voilà, il faut que vous soyez cultivés, la culture vous sauvera, la culture, les livres, les grands penseurs du siècle des Lumières, quels qu'ils soient de gauche, de droite, peu importe, des gens qui nous font réfléchir, et pas les barbares, quels qu'ils soient. La culture, parce qu'on peut être pauvre et cultivé, sachez-le, même dans les pays communistes, il y a des gens qui se sont tués pour se cultiver. Et actuellement, au Moyen-Orient aussi, des gens se tuent pour se cultiver. Voilà. Donc battez-vous pour la culture, tous, les jeunes, les vieux, soyez cultivés, travaillez. Voilà, c'est une tribune libre, et ben je la saisis. Merci à vous. Bah bien. Attends, Tassi. Qui voulait prendre le tour de part? Qui voulait parler? Bon, bah bien. Je vois. Alors, pour répondre à la dame sur la culture, c'est bien pour ça que nous avons créé la Biblio Debout, qui s'accroche désespérément et qui fonctionne à faire circuler des livres, à faire vivre des livres. Ouais, attends. Vas-y. Bah justement, madame, ici, les gens, ils ont organisé un truc, ça s'appelle éducation populaire, justement, pour que les gens... Mais c'est pas un truc, madame, c'est... Ici, regardez, c'est éducation populaire, c'est justement pour que les gens, ils s'informent, ils se cultivent, etc. Voilà, et je remercie les gens qui organisent ce lieu éducation populaire parce que c'est vraiment sympa. Je vais vous dire, les lieux, monsieur, les bibliothèques, elles sont ouvertes dans Paris. Mais Internet, mais choisissez le meilleur d'Internet, le meilleur d'Internet, pas le pire. Voilà. Choisissez le meilleur par rapport à ce que vous êtes. Voilà. Par rapport à ce que vous êtes. Moi, je suis auvergnate et savoyarde. Je vais peut-être m'éclater sur des sites de folklore savoyard. Vous, vous êtes du fin fond de l'Inde, peut-être. Prenez le meilleur de votre culture. Le meilleur. Ah ben, s'il vous plaît, les gens, je vais calmer tout le monde. Vous n'êtes pas là pour vous énerver. Si vous voulez parler avec la personne et faire des trucs directs, vous allez là, vous ne spoiliez pas le micro. Merci. Donc, si vous voulez lui parler, allez la voir en face pour lui parler et pas en monologue. On n'est pas là pour faire du monologue. On est là pour avancer. Après, c'est très intéressant ce que vous avez dit, madame. Mais s'il y en a qui veulent vous répondre, vous allez la voir. Merci. Donc, tu veux parler? Vas-y. Non, tu veux pas. Non, là je remets les règles. Non, ça s'appelle pas du monologue. Là, c'est remettre les règles des Duke Pop en route. C'est tout. Tu veux prendre après? Oui, pour repartir sur ce qu'a dit la dame, je pense qu'elle m'entendra pas, mais c'est pas grave. Oui, les bibliothèques, etc., c'est bien, Internet, c'est bien. Mais justement, la forme qu'on a ici et qui est différente, c'est qu'on est ensemble en même temps à apprendre. C'est pas quelqu'un derrière un livre ou quelqu'un derrière un ordinateur. Ça peut passer par ça, mais c'est pas suffisant. Et le fait de pouvoir entendre justement une autre culture ou entendre un certain savoir, de le questionner, de le débattre et de le remettre en cause, ça fait qu'on le reçoit pas comme quelque chose de vrai, de tout existant, qu'on va absorber directement. On va l'assimiler d'une façon différente en l'intégrant à notre propre façon de se représenter le monde. Et donc du coup, ça nous permet à chaque fois de se décaler dans ce qu'on peut entendre et échanger. Et ça, c'est pas forcément le cas quand on lit des livres, ça peut être le cas, mais il faut déjà un aspect suffisamment critique pour ne pas prendre des grands auteurs comme disant forcément la vérité. Les auteurs ont écrit à une époque, sur un thème précis, ils ont été contredits par d'autres, et on n'a pas le temps de lire tous les livres, enfin, à moins que vous l'ayez, mais dans ces cas-là, waouh. Donc voilà, c'est aussi ce que ça nous permet d'être ici, c'est de pouvoir non seulement diffuser ces informations, je dirais, conceptuelles, d'apprendre aussi des façons de vivre des autres et de pouvoir en débattre et ainsi de l'assimiler à sa propre conception du monde. Je veux juste rajouter une chose par rapport à ce qu'elle a dit à propos des livres. C'est qu'on a fait plein de séances de gens qui venaient parler de livres, d'un livre qu'ils aimaient et qui les avait touchés, et ils venaient partager ça avec tout le monde ici, justement pour donner envie aux autres de lire tel ou tel livre, de voir tel ou tel film. Et voilà, c'est vrai que c'est très bien de dire il faut aller dans les bibliothèques. Moi, je suis pour, mais après, c'est bien aussi de pouvoir partager un livre qu'on a aimé avec les autres sur cette place. Merci. Oui, t'inquiète pas, je vois. Alors, un tout petit instant, juste pour vous donner une information qui n'a rien à voir avec les livres. Il y a le DAL et 150 organisations qui appelaient aujourd'hui et qui ont commencé une occupation tout près d'ici, à l'ancienne chambre de commerce de Paris, qui est donc un local qui était vide, qui a été repris par la mairie de Paris et qui doit être donné ou à Arnaud ou à Pinault. Enfin, alors voilà, c'est Pinault. Et ils sont, voilà, l'occupation vient de commencer il n'y a même pas une demi-heure, la police n'était pas encore arrivée, et c'est tout près d'ici, à 100 mètres de la place de la République, voilà. Merci. Khaled. Ouais, non mais toi, parce que là, t'es proche du machin, ça va grésir. Bah, c'est juste pour revenir sur le débat livre ou discussion comme ça. Ouais, les discussions comme ça, c'est bien, mais ça remplacera jamais les livres. Moi, j'ai appris plus de choses dans les livres qu'en discutant comme ça. Voilà, c'est juste pour dire ça. Et les discussions comme ça, justement, ça devrait être comme quelqu'un l'a dit, donner l'envie de lire des livres. Voilà, ce serait bien. Les livres, c'est super important de lire. Il y a rien qui, franchement, hein, même des documentaires. Hein, mais même un documentaire, on apprend beaucoup moins de choses dans un documentaire que dans un livre. Hein. Ils ont fait des études. Il y a beaucoup moins d'informations dans un documentaire que tu vois. Même si des fois, c'est vrai que le documentaire, c'est intéressant, c'est important parce que les images, rien ne remplace les images. Franchement, les livres, c'est super important. Moi, je soutiens la dame qui dit d'aller dans les bibliothèques. C'est vraiment, C'est super important que tout le monde aille dans les bibliothèques, même s'il faut débattre aussi. Enfin, tout, il y a rien, faut pas séparer les choses hein, ou les mettre en opposition. Mais la lecture, c'est super important. Voilà. C'est merci. Merci. Moi, je voudrais rebondir là-dessus. Après, je te la passe la parole. en fait, je pense qu'il serait avant pour s'informer. En fait, je pense que le mieux, c'est de prendre plusieurs sources. Plusieurs sources, parce qu'en fait, avec une seule source, on n'est pas sûr. C'est de toute façon, comme on voit, les livres, ils prennent plusieurs sources pour pouvoir documenter le livre. De toute façon, ils prennent pas qu'une source. Donc, ça serait bien aussi que chacun, qu'on se mette pas, qu'on regarde pas que la source par rapport à la télé, mais voilà, qu'on utilise peut-être la télé mieux, la radio, les livres, qu'on prenne beaucoup plus de sources pour pouvoir corréler les infos. Et pouvoir mettre en commun des infos et voir vraiment ce qui sort des infos et ce que tout le monde dit, ce que tout le monde répète. Et peut-être c'est cette partie-là qui est bonne. Et après avoir voilà, un esprit critique par rapport à toutes les formes, toutes les sources d'informations différentes. Voilà. Ouais, là, pendant que je vous entendais parler, en fait, il y a un truc qui serait très très simple pour concilier tout le monde, c'est reprendre les lectures publiques. Voilà. Parce que quelqu'un qui parle, qui lit un livre avec des gens sur une place et qu'après on puisse débattre de ce livre, bah ça évite d'être tout seul quand on lit le livre. Et à une époque on a eu les crieurs publics, bah pourquoi pas des lecteurs publics. Et dans la société idéale, moi ça serait sympa en fait que le soir quand on parle du quand on part, alors je sais pas s'il y aurait du travail dans la société idéale, mais bref c'est une autre histoire. Mais quand on revient en fin de journée. Pour ceux qui sont apéritifs ou je ne sais quoi, bah, se retrouver sur des places comme l'on fait un peu là le dimanche, et du coup qui est alors soit de la lecture, soit éventuellement des gens qui transmettent une information sur ce qui s'est passé dans la journée ou ce qui a pu se passer avant avec un peu plus de fond et de réflexion. Parce que c'est aussi quelque chose, alors je sais pas trop si on l'a dit aujourd'hui, mais on est souvent dans la réaction à chaud actuellement dans l'information. C'est-à-dire il se passe un truc, tout d'un coup, allez, hop, on va... tout d'un coup, il y a des problèmes en banlieue. Mais ça fait 10 ans, même avant que je sois né, qu'il y avait des problèmes en banlieue. Et c'est toujours parce que quand qu'il se passe quelque chose, qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes. Et... je sais qu'il y a un magazine, donc je ne sais plus comment il s'appelle, qui fait ça, je crois que c'est 21, mais je dis peut-être une grosse connerie, qui fait des reportages avec vraiment on va dire, c'est plus profond et avec un laps de temps beaucoup plus conséquent, qui aurait le fond. Society le fait aussi un petit peu, mais ils ont tendance à raccrocher quand même pas mal à l'actualité. Et c'est vrai que là-dessus, voilà, moi je souhaiterais dans la société idéale, puisqu'on est dans cet atelier-là aujourd'hui, et qu'on parle des médias, qui est les lectures publiques. Et puis ce qui permettrait à tout le monde de pouvoir en profiter et de passer un moment au lieu de regarder C8 et des crétins dire n'importe quoi. Merci à toi. Du coup, aussi pour répondre à la dame, ça a été très marrante. J'ai bien aimé son intervention. Je rejoins un peu ce que tu disais, Adèle, dans le sens où c'est bien d'apprendre. Mais moi, je préfère qu'on s'apprenne les uns les autres et les uns aux autres. Moi, en tout cas, c'est ce qui marche le mieux avec moi, dans le sens où vous allez me foutre devant un livre, je vais lire deux pages, je vais m'endormir. C'est fatal, quoi. C'est peu importe le livre qui m'intéresse, qui m'intéresse pas, qu'il soit gros ou petit, c'est fatal. Alors que je peux avoir des discussions, mais pendant des heures et des heures avec des gens. Et je trouve ça beaucoup plus enrichissant. En tout cas, moi, c'est un mode de communication qui me va le mieux. Et du coup, je veux juste dire à cette dame, la dictature du livre, je suis pas trop pour, quoi. Merci. Donc, je vous rappelle, on est Quelle société veut-on ? On parle sur les médias et l'information. Il s'agit pas d'une dictature du livre, mais... si on essaye de s'apprendre les uns les autres, on n'apprendra jamais autant que dans des livres, c'est certain. Mais il ne s'agit pas d'opposer, on peut s'apprendre les uns les autres. Bon, le problème, c'est vrai qu'on est dans une société où c'est l'image qui prévaut, c'est la télévision depuis qu'on est gamin, etc. Et on ne lit plus, quoi. On n'est plus habitué à lire, donc c'est vrai que ça pose des problèmes. Après, moi, c'est pareil, hein, y a des moments, les livres, ça me fatigue, j'ai du mal à lire. voilà, c'est vrai que je suis plus à l'aise à me laisser complètement de façon passive absorber, enfin me laisser carrément hypnotiser par la télévision de façon passive. C'est plus facile que de prendre un livre et de lire, c'est clair. Mais ça c'est pareil, c'est des habitudes, c'est parce qu'on est plus habitué à lire, et on est dans une société où on nous apprend plus à lire, etc. Donc évidemment on a de plus en plus de problèmes, de plus en mal à lire. On lit beaucoup moins qu'il y a un demi-siècle, ça j'en suis sûr. En tout cas, la chose est sûre, hein, c'est que même si on s'apprend des choses mutuellement, t'en apprendras jamais autant qu'en lisant. La chose est sûre, ça c'est des études qui ont été faites, il n'y a aucun souci. Donc pour revenir aux médias, moi je voudrais revenir aux médias parce que c'est la... mais en fait c'est les médias aussi, hein, les livres et tout ça. En fait on est dedans, pardon, excusez-moi, ouais, je suis... on est dans le sujet. Enfin moi je vois, c'est vrai que moi les médias, la télévision, je voulais revenir sur la télévision. La télévision c'est super... c'est un truc, on n'imagine pas la puissance de la télévision. Elle entre dans tous les foyers. Elle entre dans tous les foyers, dans toutes les maisons, à part celle de Didier, quoi. Mais autrement, elle rentre dans tous les foyers, dans toutes les maisons, enfin, dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de maisons, pardon. Voilà, je vais corriger. Dans un grand nombre de foyers, un grand nombre de maisons. Et la télévision, c'est elle qui fait l'ordre du jour c'est elle qui fait les sujets, c'est elle qui décide de plein de choses. Il n'y a aucune interaction entre le public et la télévision, c'est là le problème. Et c'est ça qu'il faudrait avec la télévision, c'est le public qui devrait demander ce qu'il a envie de voir aussi. Parce que là, il y a une espèce de nivellement par le bas avec la télévision. Les gens, ils choisissent pas, quoi. Ils choisissent rien. Même les actualités, on ne les choisit pas. Il faut voir un peu les actualités, ce que c'est. Et vous passez d'une chaîne à une autre, les actualités, c'est tout le temps les mêmes. Alors on vous dit, quoi, il y a plusieurs chaînes. Mais c'est faux, il n'y a pas plusieurs chaînes. Hein. On voit que les actualités, c'est partout les mêmes. C'est qu'on passe d'une chaîne à une autre. Donc on voit bien que tout ça, il y a de la magouille derrière. Si on passe, si on zappe les actualités d'une chaîne à une autre et que c'est les mêmes actualités, il y a un problème. Il n'y a pas une pluralité d'informations. On voit bien qu'il y a une espèce d'endoctrinement. Et comme c'est les télévisions qui choisissent les sujets, et ben nous de quoi on discute? On discute des sujets que les télévisions ont choisis. Quand on va au travail le lendemain matin, ben t'as vu tel truc à la télé. C'est super important ça. L'ordre du jour des télévisions, l'ordre du jour d'une assemblée, c'est... Quand on choisit l'ordre du jour de l'assemblée, on a le pouvoir. Quand on choisit l'ordre du jour de la télévision, eh ben on a le pouvoir. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a tapé, qui voulait intervenir. Vous voulez intervenir, monsieur? Non. Attends, il y a des personnes avant. Donc on parle sur les médias et l'information. Ceux qui veulent parler, vous faites un signe et puis je vous donne la parole. Juste une minute pour dire, s'il y a quelqu'un qui s'endort au bout de deux pages, tu peux trouver un livre, enfin, en cherchant bien, tu trouves un livre, dire comment ne pas s'endormir au bout de deux pages. C'est sûr, ça existe. Parce que dans la plupart des livres qu'on voit aujourd'hui dans les bibliothèques, c'est des trucs, dire comment devenir beau, comment devenir intelligent, comment être riche, etc., en deux leçons, si possible. Avant, c'était 10 leçons, maintenant c'est 2. Et un autre truc que je voulais dire, puis il y a une chose, c'est lire un livre, on apprend des choses. Hein. Mais il y a un autre truc, pour moi, je ne sais pas bien comment expliquer, mais il y a l'intelligence. La racine du mot intelligence, c'est-à-dire interleggere, c'est-à-dire lire entre les lignes. C'est pas du tout la même chose. Lire les lignes et lire entre les lignes, c'est pas du tout la même chose. Et ça, dans le temps, on pouvait apprendre avec d'autres personnes. Même à l'école, on pouvait l'apprendre. Maintenant, c'est fini. C'est-à-dire, comment interpréter un livre? Comment? Il n'y a pas que le sens critique. C'est-à-dire, comment soutirer de l'intelligence à des connaissances? Comment devenir intelligent à travers les connaissances qu'on apprend? Moi, c'est pas la même chose. Alors, je vais faire tourner la parole, mais avant, j'ai un point technique à faire. Donc, en fait, à 4 heures. Attends. On va y arriver. Donc, en fait, à 4 heures à EducPop, vous pouvez rester si vous voulez. Il y a Mathieu qui va nous parler en fait des liens entre le refus de la corruption, l'écologie radicale et l'anticapitalisme. Donc, à 4 heures. Là, actuellement, on est 3h40. Donc, on va faire encore 20 minutes de cet atelier-là. Et puis après, on va partir sur l'autre programme. Donc, en fait, ceux qui veulent reprendre la parole, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, parce que là, sur le coup... Ouais, bah vas-y. Ouais, c'est juste une demande de précision. Vous dites que les gens ne lisent pas, je suis pas d'accord, ils lisent, mais sur des supports différents. Ok, y a pas de souci. Vas-y, à toi. C'est vrai ? Faut pas que je sois devant ? Je préfère être devant, si t'embêtes pas. Donc du coup, moi, je voulais répondre à cette dame de tout à l'heure sans agressivité, c'est-à-dire que écoutons un peu parler les anciens, hein, une chanson bien connue des jeunes, malheureusement pas de tout le monde, mais ouais, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Maintenant, faut quand même faire attention, ils transmettent aussi des choses négatives parce qu'il y a des choses qu'ils ont mal vécues. Et moi, ce que je voulais lui dire à cette dame, c'est que a priori, elle les a pas vus. Peut-être vous les voyez, hein. Peut-être je suis fou pour vous, je sais pas. C'est mes chaînes, mes amis. Parce que je travaille, j'ai un emploi, voilà, pas autour du cou, je suis pas un chien. Mais elles sont bien là, autour de mes bras, et voilà. Je travaille, donc pour lui répondre, hein, travailler la culture. Hein. Après on va enchaîner sur internet, tout ça. Donc en fait on nous a dit un truc, c'est... l'information, c'est le contrôle ou le pouvoir, un truc dans le genre. Donc en fait, à la base, c'était la religion qui savait écrire, enfin, qui savait parler. Ensuite, elle a su écrire, elle a fait des... Ensuite, il y a eu Gutenberg, hein, donc l'imprimerie. Et là, il y a Internet. Et du coup, il y a qui le pouvoir, là ? Et vous faites quoi ? Ben ça, c'est pas mal, déjà. Moi, ça, j'aime beaucoup. Mais voilà, il est à qui le pouvoir aujourd'hui ? Bah voilà. Rien d'autre à dire. Merci à toi. Donc, je vous rappelle, on parle sur les médias d'information. Dans quelle société veut-on ? À EducPop. Donc, qui veut parler, prendre la suite ? On ne mord pas, on ne mange pas. Tout le monde peut dire ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Donc, bah, qui veut prendre la suite ? Personne ? Putain, il y a tellement de choses à dire. Personne veut... Quelqu'un veut prendre la parole ? Je pourrais pas combler pendant un quart d'heure. Viens. Viens. Alors, du coup, dans la société idéale, les médias, l'information, on n'a pas trop parlé du cinéma, tiens. Il y avait une porte qui s'était ouverte sur le cinéma, je crois. Donc, du coup, j'ai pris celle de la musique, mais j'ai pas pris celle du cinéma. Dans la société idéale, quelle place pour le cinéma ? Je réfléchis en même temps que je parle, donc c'est un peu compliqué, mais du coup... Moi, je sais pas, j'ai envie d'être utopique aujourd'hui aussi. J'ai vu hier un film complètement utopique qui s'appelle La Land. Alors, vous voyez, c'est un truc un peu prout-prout, mais c'est rigolo. Et du coup, il y a. Non, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas de drive-in dans La Land, mais en fait, ça serait cool d'avoir des drive-in, sans les voitures, parce que je suis écologiste. Donc, du cinéma en plein air, on va appeler ça comme ça. Ça pourrait être sympa. Ça permettrait à ce que tout le monde puisse voir des films. Mais dans la société idéale, comment on ferait des films ? C'est un peu la même chose. Aujourd'hui, on a une industrie, puisque c'est le nom qu'on lui donne, qui est assez, on va dire, assez particulière, parce que, en fait, bizarrement, si je prends l'exemple français, les plus gros films qui font de spectateurs sont des films français. Mais je reprendrai un peu l'exemple tout à l'heure des gens qui disent qu'ils regardent Arte et en fait ils regardent TF1. Mais en fait on voit les films français, mais c'est souvent les comédies un peu lourdes, et je vais appeler ça comme ça pour être très clément et très gentil et très bienveillant. Et celles qu'on ne voit pas notamment dans les Césars, et ça fait toujours des grands débats, Danny Boone au César. Ça peut être marrant, enfin bon bref, on a quand même Jérôme Commandeur, donc si on peut mettre Danny Boone, tout est possible. Mais du coup, c'est assez rigolo, parce que n'y a pas longtemps, on a été interpellé sur le discours de Ruffin au César. Et finalement, moi je l'ai vu en replay, n'est-ce pas, parce que je ne regarde plus les Césars. Et c'est un peu comme la musique, on a une diversité en France de cinéma, que ce soit le cinéma d'auteur, du cinéma un peu plus, on va dire, populaire. Mais c'est assez bizarre parce qu'il y a tout le temps cette confrontation en fait entre les deux, comme s'il y avait un cinéma élitiste et finalement un cinéma pour les autres. Aujourd'hui, une place de ciné, c'est à peu près 11 euros si vous n'avez pas de truc intégral là, toute la semaine. Donc 11,50 €. Donc quand vous êtes tout seul, ça va, mais quand vous êtes une famille et que vous venez avec vos enfants et en plus vous voyez un film en 3D, très honnêtement, au niveau du budget, ça fait un peu mal, ça fait un peu mal dedans. Donc du coup, forcément, moi, le cinéma ouvert à tous, c'est pour ça que le cinéma public, pour moi, c'est très très important. Et aussi un cinéma d'une certaine façon qui soit peut-être un peu focus, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui les discours qu'on entend au César, parce que ces dernières années, mais c'est un avis complètement perso, en fait c'est souvent des films qui parlent de la banlieue, qui parlent pour le coup pour Ruffin des ouvriers, etc. Et c'est très bien, hein, c'est très light, on fait son petit discours devant un parterre de gens qui... Il y en a peut-être certains qui ont quelque chose à faire, mais la majorité finalement, ils font partie de ces grands financements, ils font partie de ces gros groupes. Et en plus, c'est diffusé sur Canal+, qui appartient maintenant à notre cher Bolloré qu'on aime tous. Donc du coup, il faut complètement sortir de ça et finalement arrêter d'opposer différents types de cinéma. On réussit à le faire, des films qui peuvent être populaires et entre guillemets dits d'auteur, ça existe, on arrive à le faire aujourd'hui, mais pour ça il faut, et je vais revenir à un truc qui est très important, mais je suis un peu en boucle là-dessus, c'est la liberté de création. Et il faut arrêter les dictats, on l'a déjà dit ici à d'autres occasions, mais avoir plus de diversité, que ce soit dans les films, même musicalement. Alors après, je suis pas grand fan des quotas, je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, le cinéma pour moi c'est un rôle à jouer. Après, soit il y a le côté entre guillemets rêverie qui peut être très très sympathique, mais il y a aussi un côté un peu plus social, dénonciateur. Mais dans la société idéale, est-ce que ce côté-là on en aurait besoin? Je suis pas sûr. Donc il faudrait redéfinir complètement, à mon avis, le sens du cinéma dans une société idéale. Voilà, je pars un peu en freestyle, mais... Merci à toi. Vas-y. Je suis italien, je ne parle pas bien français, mais à propos de la média, j'ai quelque chose à dire, à parler de la média, pour parler de la... mass media, parce que mass media c'est un truc vraiment très grand. Donc aujourd'hui, fin quand tu es petit, on a des enfants, on a regarde la télé et apprend tous dans la télé. Mais qu'est-ce que je vous dis, moi, que les 50% de qu'est-ce qu'on a sous la télé, la vraie vérité, nous on connaît pas. Donc les mass media les enfants absorbent tout ce que disent les mass médias comme si c'était vrai, évidemment vrai. C'est ce que nous on regarde et ce qu'on apprend nous aussi. Que la vraie vérité, personne ne la connaît, donc on est obligé de croire ce qu'on nous dit. Oui, on comprend ce que eux veulent nous faire croire. Voilà, on est à la fin, on est mentalement conditionné par tout ce qui est média et on y croit forcément. Voilà. Voilà, et en fait, les médias, c'est nous. Non, mais du coup, ça repose la question de l'éducation qui est à la base, ce qu'on apprend à l'école quand on est petit. ça repose la question de l'éducation dont tu as parlé tout à l'heure et qui est effectivement ce qui nous permet quand on est petit de comprendre ou de vouloir comprendre. Est-ce qu'on accepte une vérité sans se poser la question de d'où elle vient, etc. Et il y a une éducation aux médias aujourd'hui à faire qu'on fait pas beaucoup. Peut-être qu'on commence à la faire à l'école, mais on la fait pas du tout assez. Et c'est vraiment, enfin, il y a pas mal de profs qui commencent à faire ça, mais je pense que c'est vraiment la clé. C'est quand on est petit et qu'on grandit et que nos parents nous apprennent ou nous apprennent pas à avoir un regard critique par rapport à ce qu'on regarde à la télé, à ce qu'on lit dans les journaux, à ce que chaque personne affirme comme vérité vraie, et voilà. Non, juste une petite rectification. Enfin, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais ce que je disais, on apprend en faisant. C'est mieux si les enfants apprennent à donner des nouvelles, à faire des journaux ou des émissions de radio, sans passer par le professeur qui dit la vérité. Merci. Il y a une dame qui n'a pas parlé. On va... Bonjour. Alors, moi, je m'occupe d'adolescents en difficulté et je fais des cours de zététique. Ça veut dire, la zététique, c'est rechercher les images à la source. Et comment... Je ne supporte pas le micro, en fait. Non, sinon, si tu veux, tu le mets loin. Mais ça me fait trembler. Donc, en fait, il y a des cours de zététique, c'est possible. Ça veut dire apprendre à rechercher sur Internet. On leur montre une image, on leur demande qu'est-ce qu'ils voient sur cette image. Et après, on fait des recherches des ressources images. J'aime pas du tout. Ouais, attendez. Tu lui dis à lui et lui parle. Non, mais. S'il vous plaît, laissez la. Non, reviens. S'il te plaît, reviens. Je te donne pas de micro, mais au pire, parle comme ça. On va te laisser parler comme ça. S'il vous plaît, laissez-la parler. À un moment, si elle veut parler, il faut la laisser placer une phrase. Le truc, c'est qu'il y a possibilité de faire plein de choses via l'éducation. Moi, j'ai de la chance, je suis dans une classe ULIS. On a beaucoup de liberté comparée aux autres profs. Une classe ULIS, c'est une classe de 11 élèves qui acceptent des jeunes en difficulté dans un collège. Nous, on s'occupe de toute l'insertion dans le collège, etc. Donc moi, je suis AESH. On est mal payé, forcément. C'est... assistante éducation spécialisée handicap. Alors, c'est assez intéressant parce que on voit qu'effectivement, ils n'ont pas du tout de filtre, hein, qu'ils prennent tout, au départ, ils prennent tout argent comptant. Et petit à petit, ben, ils apprennent vraiment à prendre du recul sur les informations. Le fait qu'eux aussi deviennent acteurs, c'est important, je suis d'accord, je ne sais pas qui a dit ça, mais oui. Et donc voilà, donc là actuellement, je fais en sorte qu'ils s'intéressent à la politique via des courts-métrages comiques politiques. Donc ils doivent regarder des informations pour savoir comment ça se passe les débats politiques et en même temps remettre en scène dans un sens comique. Voilà. Mais il y a des choses qui se font quand même. Je pense que la zététique, c'est une mouvance. Hein. C'est des gens qui veulent vraiment que les gens recherchent vraiment les sources des informations, ce qui ne se fait absolument pas à l'heure qu'il est. Il y a plein de choses où on voit, par exemple, des parcelles d'interviews. Et quand on va regarder l'interview en entier, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Donc c'est vrai que c'est très, très important. Voilà. Bah, merci beaucoup. Voilà. On va prendre les derniers tours de parole, puisque après le prochain intervenant est arrivé. Ça fait bizarre de dire ça, tu vois, ça fait longtemps. Vu qu'on était dans l'atelier. Mais. François ? Non, mais il a beaucoup parlé, donc on. Il va nous faire la conclusion pour la peine. Tu vas lui boycotter. Juste, tout à l'heure, on parlait de cinéma et de Ruffin. Je sais pas si vous avez vu à la remise des Césars là, il a pris la parole, il s'est mis devant tous les acteurs et médias et machin, et il leur a balancé son truc d'Amiens et de la lutte ouvrière. Et franchement, ça juste, mais c'était 2 minutes. Le mec très remonté, il balance que des vérités à leur tronche en disant que en prenant un exemple que j'ai bien aimé, c'était si jamais. On délocalisait les acteurs en Roumanie, où on mettait les acteurs français en concurrence avec les Roumains. Là, on verrait des assemblées entières de gens se lever pour lutter contre cette concurrence inégale. Et quand on le fait avec des ouvriers, bah là, y a rien qui se passe. Personne se lève. C'est normal. Tant que c'est les ouvriers qui trinquent, on en a rien à foutre en fait. Et ça, j'ai trouvé le message, déjà courageux de sa part. En tant que journaliste, de monter sur la scène et d'aller machin. Et derrière, il y a aussi Alice Diop qui a fait un petit court passage de 45 secondes où elle dédie son César à Théo qui, du coup, dénonce par certains intermédiaires les violences policières. Et du coup, j'ai vu en ces deux petites vidéos quoi qui faisaient même pas 4 minutes assemblées une réelle réponse à comment on peut utiliser ces médias de merde pour leur envoyer leur merde à la tronche. Et franchement, j'ai super kiffé ce passage et je vous invite à le regarder, c'est très instructif. Alors, priorité à ce qui n'ont pas parlé. Alors, sur la question de l'éducation, je crois qu'il y a un gros problème qui est qu'on a fabriqué le sentiment d'impuissance chez les uns et les autres. Ça fait, d'après un psy américain qui est un ancien leader de 68 à Berkeley, qui était emprisonné par la FBI, alors que les provocations venaient de Edgar Hoover, il a fait un bouquin qui s'appelle « L'impuissance surajoutée ». Et là, il raconte comment... Et moi, en tant que journaliste, réalisateur, j'ai ressenti ça depuis 30 ans. On m'envoyait le sentiment d'impuissance. Qu'est-ce que c'est ? On fabrique chez les gens le sentiment que c'est inexorable, que la marche du monde va dans cet ordre établi, qui profite du chaos pour construire du neuf, soi-disant, où les pauvres deviennent plus pauvres. Et ça veut dire que la civilisation industrielle, la mondialisation néolibérale, ont fait de l'individu le must, du trader, le héros. Or, moi, l'éducation, j'ai écrit un papier en 2006, ça s'appelait « Le jeu, le nous et les autres ». On nous a fait perdre de vue le « nous ». C'est-à-dire qu'il y a « je » et puis le succès à tout prix en tuant père et mère. Et ça, ça ne va pas du tout. Et pour reconquérir le sentiment de puissance, déjà, j'ai l'impression que, comme on l'a vu avec Adèle, dans nombre de petites occasions énormes, en fait, symboliquement petites en termes de nombre depuis décembre, les gens sont prêts à se réveiller. Et là, il y a deux choses. Il y a deux choses qui nous convoquent. Alep, la chute d'Alep, alors qu'il y a une résistance, une population civile qu'on ignore, qu'on passe à la trappe dans les médias. 13 millions de personnes déplacées avec lesquelles il va falloir construire l'avenir. Le mur de Trump, qui divise le monde entre riches et pauvres, encore plus. Et avec un copain, Gonzalo, on est en train de préparer un projet qui s'appelle « Nos lettres à un mur », « Nos lettres au mur », où sur le mur, on va afficher... un mur d'images, de les chroniques qu'on va faire de part et d'autre du mur, et chaque citoyen du monde pourra écrire une lettre sur le site tilatila.org, où on fait déjà l'émission hebdomadaire sur la Syrie. Donc le but, c'est de reconquérir l'espace public, la dignité, pas juste par la place publique, mais aussi par l'espace virtuel, où tout un chacun a droit à exister, à être reconnu. Ce que je crois, moi, c'est que la solution, un chemin commun, c'est non pas un homme, une voix, comme l'a dit Mandela si bellement pour son époque et pour l'Afrique du Sud, c'est une personne, une voix. On a tous besoin d'exister et les médias nous écrasent comme si on était des chiffres, des nombres, des gens à être contrôlés et fichés. c'est plus possible. Donc il y a un reversement à opérer, mais il peut se faire qu'en créant du nous, du collectif et de l'échange. Merci. Merci à toi. Allô. Ouais. Oui, mais attends. Donc là, on va prendre juste deux personnes encore. Et après, on va passer à... Ah, excuse-moi, mais là, là, faut qu'on passe à notre atelier. Donc après, si vous voulez parler encore des médias, vous avez là, le week-end prochain, on va refaire la même chose. Donc, on pourra venir le week-end prochain pour parler de ça. Donc, sois rapide, Thierry, s'il te plaît. Sois rapide, ça fait 20 minutes que j'attends. Vous êtes gentil, hein. Oh non, hein. Bon, allez. Juste pour vous dire que derrière Hollywood, puisqu'on parlait de cinéma tout à l'heure, derrière Hollywood, il y a aussi... Bah, arrête de m'embêter, toi. Derrière Hollywood, il y a aussi des puissances financières. Hollywood, ça s'appelle l'entertainment, c'est le divertissement. Divertissement, en latin, ça vient du mot latin, divertire, détourner d'eux. Je peux vous dire que Hollywood, il travaille pas pour le bien du peuple. Et c'est aussi politique, hein, le divertissement, quand on divertit les gens. Et des documentaires à la Ruffin, il y en a pas beaucoup, quoi. Et Hollywood, c'est pas des films qui sont très politiques, où il y a des gens qui souffrent, etc., des gens du peuple, etc. On vous montre pas les choses, on vous montre pas beaucoup de choses comme ça, Hollywood, hein. Lesquels l'autre, ils sont quand même assez rares. Voilà. Derrière Hollywood, il y a du pognon. Donc les films, ils sont financés. Et ils sont pas financés par n'importe qui. Donc on accepte pas n'importe quel film. Juste pour vous dire, par exemple, un exemple, que je vais vous donner un exemple. Vous savez pourquoi il y a des happy ends dans les films? Ce qu'on appelle le happy end, c'est le film qui se termine bien, hein, les films hollywoodiens. Vous savez pourquoi il y a des happy ends dans les films? C'est pour que les gens ils soient en bon état, dans un état tranquille, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas trop énervés, comme le film se termine bien, pour que la pub passe bien après le film. C'est pour ça qu'il y a des happy ends. Voilà, c'est tout. C'est pour dire que le cinéma, il n'est pas complètement... Merci à toi. Ah ouais, ben là, on clore. Pour faire une annonce. Alors, oui, je suis au micro là, Edwige, je suis au micro. Donc, juste à côté d'ici, 11 rue Léo Jouot, il y a un squat qui est ouvert, il y a au moins 300-400 personnes. Donc à la Bourse du Travail, si vous voulez passer, leur dire un coucou, ils attendent des gens de Nuit Debout, donc n'hésitez pas. Et voilà, ça bouge. Tout ça pour dire que ça bouge. Et ça risque de pas s'arrêter de bouger apparemment. Merci à toi. Chambre de commerce. Quoi? C'est la chambre de commerce. Chambre de commerce. Donc maintenant on va passer à une intervention. Mathieu, tu peux venir s'il te plaît. Moi, il me faut une chaise pour monsieur là. Tu veux être comme ça?